t'habites bien. J'ai fait le tour de la ville, t'as rien à me dire, on sait ma zone, mais le patron fait la bille, c'est plus la haine, c'est fini Johnny. Ce week-end j'fais du jeep, midi de rond, photo j'suis rentré. Si t'es pas prêt pour ça, vida loca, t'en reste en retrait. Moula, j'aime ça. J'aime toi, pas grand geste, toi. Mauvais garçon, elle aime ça. Si t'as encore S, il reste là. Moula, j'aime ça. J'aime toi, pas grand geste, toi. Mauvais garçon, elle aime ça. Si t'as encore S, il reste là. Si c'est pas fini, faut pas déranger. Faut pas déranger. Tu veux pas reprendre ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Si c'est pas fini, faut pas déranger. Faut pas déranger. Tu veux pas reprendre ce que tu m'as donné. Oh baby, maman. J'ai de la scène. Non, de la scène. On fait du sac, on peut connaître la gemme. Non. Oh baby, maman. Oh baby, maman. J'ai de la scène. On fait du sac, on peut connaître la gemme. Ma chérie, t'es mon biberon. Et moi je suis ton bébé. Ma chérie t'es mon biberon. Et moi je suis ton bébé. Happy baby ici. Sans passer dans des HLM qu'on a grandi. I'm running again, je sais pas bébé mon grandi. Elle va se calmer avec du shopping chez Gucci. T'es mon biberon. J'ai remis à couper le pont. J'ai mis c'est Los Angeles. Impossible que ces femmes me lâchent. Quand ça fait recommoler. J'prends le bain, fais la cam, j'me casse. Sur le raquette, toujours été prêt, j'espère être là demain. Tout ce que j'avais dans la tête, c'était faire la fête, je voulais pas te faire du mal. Mais j'ai décidé la tête, une nouvelle adresse, côté Los Angeles. Il faut du bif encore, baby, il faut que je te laisse. Shopping au volant du golf, volant de cette de Nike, j'ai dû gérer toutes nos affaires, c'est du restaurant qui s'envole, au volant du golf, dans la boîte à gants de Nine, volant de cette de Nike, j'ai du restaurant qui s'envole, yeah. Si c'est pas fini, faut pas déranger. Faut pas déranger. Tu peux pas reprendre ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Si c'est pas fini, faut pas déranger. Faut pas déranger. Tu peux pas reprendre ce que tu m'as donné. Oh baby mama. J'ai de la street, non. De la scène. On fait du sac, on peut connaître la gemme. Non. Oh baby mama. J'ai de la street, non. De la scène. On fait du sac, on peut connaître la gemme. Ma chérie t'es mon biberon. Et moi je suis ton bébé. Ma chérie t'es mon biberon. Et moi je suis ton bébé. Bénéfice. T'es grave à toi sale fils. Ma chérie t'es mon biberon. Et moi je suis ton bébé. Voilà, tu me vois pas. Tu me vois pas. T'as vu capitaine ou pas? T'as vu Tchako Lamelo? Hein? Est-ce que au moins là?